valse avec toi. Une valse dans tes bras. Nous dansions tous deux comme de jeunes amoureux. Une valse avec toi. Une valse dans tes bras. Où nous dansions tous deux comme de jeunes amoureux. Une valse avec toi. Te souviens-tu, chérie, toutes ces belles nuits passées à contempler un ciel étoilé, toutes ces belles journées où j'allais te chercher. Nous étions si heureux, comme c'était merveilleux. Une valse avec toi. Une valse avec toi. Une valse dans tes bras. Nous dansions tous deux comme de jeunes amoureux. Une valse avec toi. Une valse dans tes bras. Nous dansions tous deux comme de jeunes amoureux. Une valse avec toi. Passé, nous avons bien changé. Nous sommes heureux, car on est tous les deux. L'amour s'est installé dans mon cœur pour rester. Pour toujours dans tes bras, je danserai avec joie une valse avec toi. Avec toi, une valse dans tes bras. Nous dansions tous deux comme de jeunes amoureux. Une valse avec toi, une valse dans tes bras. Nous dansions tous deux.